Toujours l'importance de ne pas croire, donc enregistrement produit lors du mois de mars de l'année 2024. C'est un principe fondamental à ne pas croire. Je suis revenu souvent au fil de mes enregistrements, mais j'y reviens encore aujourd'hui parce que c'est en ne croyant pas que ça empêche de vivre de la grande souffrance à plusieurs niveaux. Dans le sens que quelqu'un, par exemple, peut consacrer 10 ans, 20 ans, 30 ans de sa vie à l'étude de la conscience supramentale, puis peut croire que par la suite, un jour, il va en vivre décemment en tant que conférencier et qu'il va vendre des enregistrements, des livres qui vont lui donner un revenu décent, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Quelqu'un peut étudier pendant plusieurs années la bourse, puis croire que s'il met en vibration réellement par les plans de la lumière pour étudier ça, c'est parce qu'à un moment donné, il va en vivre, puis ça va être rentable, il va avoir un retour, alors que dans la réalité, c'est pas nécessairement le cas. Le retour est pas nécessairement automatique. C'est pas parce que quelqu'un se consacre à quelque chose pendant plusieurs années. Prenons, par exemple, quelqu'un qui étudie les médecines douces pendant 20, 30 ans, 40 ans, que ça veut dire que la personne va avoir une belle vieillesse, puis elle va être en santé nécessairement. Faut rien prendre pour acquis. Et le passé n'est pas garant de l'avenir non plus. Quelqu'un que ça va bien dans sa vie sur le plan financier, ça ne veut pas dire que ça va être le cas dans 2 ans ou dans 3 ans encore. Donc, tout ça pour dire qu'on est dans un environnement instable. Et avec le temps, parce que j'ai eu des discussions, entre autres, avec quelqu'un que j'ai connu, dans le fond... visé à vivre la conscience, il y avait un poste d'enseignant, il a tout lâché ça pour se consacrer à la conscience en disant les plans ne me laisseront pas tomber, etc. Il se voyait à travers beaucoup de potentiel. Dans les faits, oui, il y avait du potentiel. Il a fait des conférences pendant un certain nombre d'années, il a arrêté son emploi d'enseignant, puis par la suite, il n'a jamais été capable d'en vivre décemment. Et sa condition financière s'est dégradée. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas se fier au plan de la lumière pour nous faire vivre. Le point que j'en viens, c'est la même chose pour quelqu'un qui étudie la bourse pendant plusieurs années, ou les médecines naturelles ou d'autres choses. Donc, il ne faut pas se fier sur les forces qui vont être là pour nécessairement nous soutenir. Et ça, c'est très difficile comme principe. Parce que la personne à qui est enseignant, imagine, il est quelqu'un qui, parce que ça peut prendre au Québec un certain nombre d'années pour avoir un poste à temps plein, permanent d'enseignant. Donc, quelqu'un qui atteint ça, ça peut s'échelonner sur plusieurs années avec un salaire professionnel, tu sais, qui gagne plus que le salaire minimum, il y a un certain mode de vie, une certaine aisance, lâche tout ça pour se consacrer à la conscience. Quand il avait fait ça, cette personne-là, je l'avais mis en garde. Naturellement, il ne m'a pas écouté. Par la suite, sa condition financière s'est dégradée, puis il est obligé de retourner faire du remplacement. Donc, au lieu d'avoir un poste permanent à temps plein d'enseignant, fait que là, il se retourne à dépanner, puis c'est pas tout le temps agréable au niveau des classes. Puis quand il y a des élèves qui voient un nouveau enseignant qui se présente, ils peuvent chercher à tester les limites, ainsi de suite. Pas du tout agréable comme situation. Tout ça pour dire quoi? C'est pas parce que, avec le temps, j'en suis venu à la conclusion que, dans le fond, les activités en lien avec l'occulte puis avoir de l'espoir, c'est très dangereux. Parce qu'il y a des gens qui, en lien avec ça, ils peuvent sombrer dans la dépression puis éventuellement devenir suicidaires si on des attentes. Donc, quelqu'un qui lâche son travail ou qui se consacre à la conscience ou se consacre à la bourse ou à l'étude des soins énergétiques. Puis si par la suite, la personne met toutes ses énergies là-dedans, tous ses espoirs, dans le fond, ça ne débouche pas sur quelque chose qui lui permet d'avoir un revenu décent en termes de nouvelles activités professionnelles, la personne souffre beaucoup. Ça peut être très déstabilisant pour elle. Elle peut se sentir abandonnée, elle peut se sentir trahie, et ainsi de suite. Mais avec le temps, moi, en tant qu'individu, je fais des enregistrements qui portent sur la conscience, mais à la différence de mon ami, je n'ai jamais lâché un emploi normal dans la société. Ce n'est pas un emploi paranormal en lien avec la diffusion de la conscience supramentale, mais un emploi normal pour me consacrer à ça. Pourquoi? Parce que, dans le fond, j'essaie d'être pragmatique, d'être pratique, à regarder les faits. Comme l'ami, avant qu'il lâche son travail normal, j'ai dit, écoute, le nombre de personnes qui vont à ta conférence, le nombre de ventes d'enregistrement n'augmente pas avec le temps. Donc, tu n'as pas de signal de retour d'output de l'environnement, comme de quoi que tu es supporté par le public d'être humain ou de les plans par rapport à ça. Puis, tu dis non, je vais me consacrer à ça. Puis, il canalisait, puis plus qu'il canalisait, plus qu'il disait à un moment donné, tu vas en vivre. À un moment donné, ça va lever. À un moment donné, ça va lever. Mais ça n'a jamais levé finalement. Donc, on peut se faire manipuler par les plans. Et l'enregistrement, pourquoi que je fais ça aujourd'hui, c'est une mise en garde pour ne pas partir en peur. Et ce que je dois dire avec le recul, dans le fond, tu sais, je repense à un emploi que j'avais fait il y a quelques années. Bon, mais dans mon emploi, il fallait que je nettoie le plancher, il fallait que je nettoie autour des toilettes. Puis cet emploi-là, quelqu'un peut dire, ben là, c'est pas un emploi à la hauteur de tes connaissances, compétences. Ouais, mais il m'a donné un salaire régulier. Donc, finalement, au niveau pratique, c'est plus intelligent, des fois, de faire un emploi qui n'est pas nécessairement de diffuseur de la conscience ou quelque chose qui peut être un peu plus valorisant pour l'ego, mais qui donne un salaire qui permet de fonctionner. Puis, ça m'avait appris quelque chose aussi, parce que, dans le fond, j'étais à un endroit où il y avait un centre de location. Je m'interagirais avec les gens. Je faisais de la location, entre autres. Il y avait des patins, des skis. Donc, je trouvais ça agréable. Puis, à un moment donné, j'avais changé d'employeur. Puis, l'employeur a dit, ben là, écoute, il va falloir que tu fasses aussi le ménage. Parce que l'autre employeur, dans le fond, je dis non, ça me tente pas, je veux juste interagir avec les gens. Puis l'autre a dit, ben, c'est à prendre, c'est un tout, c'est à prendre ou à laisser. C'est-à-dire, j'interagis avec les gens, service à clientèle, puis le ménage aussi. Si c'est tout ou rien. Là, finalement, j'ai accepté de faire du ménage. Puis j'ai été convenablement rémunéré pour ça, etc. Mais je lisais des livres en même temps à temps perdu sur la conscience. Mais le point que je voulais faire, c'est des fois, il vaut mieux avoir un emploi normal avec des assises solides dans la société que de faire le grand bond puis se ramasser dans le vide. C'est ça le point que je veux faire. Sinon, j'ai eu la chance de discuter il y a quelques jours avec quelqu'un qui, dans le fond, a été militaire pendant plusieurs années. Il n'était pas nécessairement bien là, mais il a fait tout son temps pour avoir droit, dans le fond, à la retraite, le fonds de pension. Aujourd'hui, il a reçu un montant d'argent tous les mois là, des forces armées parce qu'il est retraité. Et là, dans le fond, moi, ce que je trouve intéressant par rapport à lui, c'est que là, aujourd'hui, il vit d'une manière ouverte. Quand il était dans les forces armées, c'était un homme, il a changé de sexe, il est devenu une femme. Et aujourd'hui, il s'affiche, tu sais, il parle de conscience, il, dans le fond, ouvertement, des contacts intérieurs qu'il vit, etc. Puis, dans le fond, il a comme attitude, il y a un montant d'argent qui rentre à tous les mois pour lui permettre de répondre à ses besoins de base par rapport à la carrière qu'il a eue. Et là, son but dans la vie, c'est de faire ce qu'il aime. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a un support financier. Puis, c'est ça, s'il veut s'afficher dans un milieu de travail comme étant transsexuel, dans le fond, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, il y a toujours son revenu des forces armées. Donc, je trouve ça intéressant comme démarche parce qu'il y a une assez solide. Et en discutant avec lui, ça m'a fait penser à l'ami que j'ai eu qui a été enseignant, qui a tout lâché, mais il a lâché trop tôt pour avoir droit au fonds de pension. Tandis que s'il avait continué à être enseignant jusqu'au moment de sa retraite, qui lui donnait un revenu décent, puis par la suite, une fois retraité, il parle de conscience ou il fait ça en parallèle, tout simplement. Il continue ça en parallèle plutôt que de se garrocher là-dedans alors que le public n'a pas été au rendez-vous, ni les plans pour lui donner un support financier. Fait qu'est-ce qui restait à vivre? C'était une dégringolade financière, c'est-à-dire toutes les économies qu'il avait ont diminué, puis il s'endettait. Donc, c'est vraiment un problème. Sinon, je pense, des fois les gens, pour des raisons d'orgueil, comme il y a quelques mois, j'avais discuté avec quelqu'un, c'était dans le coin du mois de novembre, j'ai rediscuté récemment, il y a des problèmes financiers, il n'y a pas d'argent qui rentre. J'ai dit, fais une demande d'aide de dernier recours ici au Québec, ce qu'on va appeler l'aide sociale. La personne dit, non, moi, je suis pas quelqu'un comme ça, je veux pas vivre au crochet de la société, etc. Donc, un certain orgueil. J'ai dit, ouais, mais si tu fais pas de demande, puis ta condition financière continue à se dégrader, dans le fond, tu risques d'être déprimé dans les prochains mois, tu sais, si t'as pas d'argent qui rentre, etc., tu risques d'être plus stressé, tu sais, son moral risque de se dégrader davantage. Naturellement, j'y ai reparlé récemment, puis il est encore plus stressé qu'il pouvait l'être. Son moral se dégrade davantage. J'ai dit, à ce moment-là, tu pourrais faire une demande d'aide de dernier recours. Bien entendu, la personne ne m'a pas écouté. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que si quelqu'un fait une demande d'aide de dernier recours, ici au Québec, la personne a le droit d'avoir, par exemple, une certaine quantité d'argent en REER, régime épargne retraite, donc quelques années. Là, il faudrait vérifier avec les chiffres actuels en 2024, mais quelqu'un pouvait avoir droit jusqu'à 60 000 $ donc, de placement pour ne pas tout perdre si la personne fait une demande de dernier recours, puis ensuite pas avoir le goût de travailler parce que la personne va dire ben, à quoi ça sert de travailler si j'ai tout perdu mes actifs. En tout cas, là, ça donne quand même une marge pour ne pas perdre tous les placements, investissements financiers que la personne pouvait avoir jusqu'alors. Fait que c'est quand même bien au niveau du système par rapport à ça. Sinon, son compte bancaire n'est pas obligé d'être à zéro. Il peut avoir un certain montant d'argent dans le compte. Donc, des fois, les gens ne pensent pas à ça, mais au lieu d'attendre d'être vraiment à zéro, ben, ça donne une certaine marge de manœuvre par la suite à avoir cet argent-là et cette possibilité-là. Il faut penser d'une manière pratique en société. Et les plus grands apprentissages que j'ai fait au fil du temps, c'est toujours en lien avec des gens qui ont géré leurs choses d'une manière pratique. Puis je vous dirais à la limite de gérer sa vie en faisant extraction des forces à un certain niveau. D'ailleurs, moi-même, je veux dire, c'est pas parce que je fais des enregistrements, ben j'en ai jamais vécu décemment de mes enregistrements sur la conscience, en lien avec la conscience. Pour ce qui est des contributions financières au fil des ans, j'en ai jamais eu assez pour être capable d'en vivre décemment. Par contre, j'ai un emploi normal pour que j'ai une base financière pour être capable de fonctionner en société, surtout avec l'augmentation de l'inflation, etc. Fait que le point, c'est que je me fie pas là-dessus, à différence de mon ami enseignant qui avait tout lâché pour se consacrer à ça. Puis, ce que je vous dirais, ben lui, peut-être de son point de vue, il m'a vu comme quelqu'un de calculateur, quelqu'un qui n'est pas capable de suivre une vibration, qui est insécure sur le plan psychologique, quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui est orgueilleux, qui fait pas confiance aux forces. Ouais, mais Chris, faut pas leur faire confiance non plus d'une manière aveugle. Donc, quelqu'un peut me lire, peut dire, regarde, il est faible. Il cherche à avoir un emploi normal ou de se consacrer là-dedans. Il est un lâche, dans un sens. Ouais, mais faut être intelligent aussi. C'est ça l'affaire. Donc, autant on peut me reprocher par rapport à la personne avec qui j'avais échangé le manque d'audace. Mais en même temps, lui, il était tellement audacieux qu'il s'est planté pas à peu près. Donc, en faisant le saut dans le vide. Donc, j'ai pas l'audace de faire le saut dans le vide. En même temps, ben, je regarde les gens qui le font, puis des fois, c'est pas évident. Pour ce qui est de vivre la conscience, à part Bernard de Montréal, là, en lien avec le supramental, que oui, il y avait des salles pleines, il y avait une belle maison dans le nord du Québec, à Sainte-Adèle. Oui, il faisait des voyages régulièrement dans d'autres pays, ça coûte quand même de l'argent. Ensuite, il y avait une auto quand même de luxe. Donc, oui, lui, il a un certain mode de vie, mais je veux dire, c'est pas tout le monde, c'est pas parce que ça fonctionne pour un que ça a nécessairement fonctionné là, pour les autres là, par la suite. Donc, faut rien prendre pour acquis. C'est pas parce que dans le passé, lui, ça a marché que les autres qui vont parler de conscience, ça va marcher autant. Puis, est-ce que c'est intelligent que tout le monde soit supporté financièrement par rapport à ça? Dans le sens que si quelqu'un se réfléchit en tant qu'initié puis est supporté financièrement, ben on peut en faire un gourou en potentiel ou quelqu'un d'extrêmement dominateur s'il n'est pas totalement ajusté. Puis les gens totalement ajustés qui se conscientisent, qui ne sont pas des êtres transitionnels, est-ce qu'il y en a tant que ça? C'est la question à se poser. Donc, tant que l'ego a des failles, le fait d'être en puissance, ça peut être un danger pour lui ou pour les autres. Mais là, si on attend que l'ego ait plus de failles pour être en puissance, ça peut être problématique aussi comme situation. Tout ça est délicat. Mais pour en venir à l'esprit de l'enregistrement d'aujourd'hui, ce que je dis aux gens, ben, moi, je suis de l'avis que, dans le fond, ben, si on prend par exemple la bourse, tu as des gens qui veulent étudier, ils vont étudier la bourse pendant un an, deux ans, cinq ans, puis là, ils pensent que s'ils étudient la bourse, qu'ils vont nécessairement en vivre décemment. C'est pas nécessairement le cas, c'est pas automatique. C'est comme, comment dire, c'est comme d'autres choses. Et puis pour ce qui est des gens qui étudient la conscience avec la bourse, si vous me trouvez quelqu'un qui est devenu avec une conscience supramentale, multimillionnaire en étudiant la bourse, puis en faisant des placements en suivant une vibration, venez-moi au courant. Vous m'enverrez les coordonnées en bas de l'enregistrement, là. Donc, quelqu'un multimillionnaire pendant plusieurs années, là, pas quelqu'un qui a fait un coup de chance, là. Vous me tiendrez au courant. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas comme ça. Puis il faut être humble dans la vie. Donc, comme moi, par exemple, j'ai décidé de ne pas écrire des livres parce que je sais que ça ne se vend pas. J'ai rencontré au fil des ans plein de conférenciers qui ont écrit des livres qui ne s'en vendaient pas. Puis dans certains cas, ça donnait place à des situations extrêmement humiliantes pour l'ego. Prenons par exemple quelqu'un qui se ramasse avec plein de livres invendus dans des caisses. Fait que soit que la personne les donne à un comptoir des infortunés, soit la personne les jette. Puis là, il y en a un qu'ils avaient brûlé. Mais ce qui était drôle puis pas drôle en même temps, c'est que dans son cas, c'était pas ses opposants idéologiques qui brûlaient ses livres, c'était lui-même. Parce que dans l'Allemagne nazie, il y avait des auto-dafés. C'est-à-dire qu'ils rassemblaient des livres avec des gens qui avaient une pensée à l'encontre du nazisme ou des livres de juifs qui mettaient en feu. À ce moment-là, c'était pour neutraliser l'opposition, tandis que là, c'est quelqu'un qui a un surplus de livres, puis il est obligé de les brûler. Et faut être capable d'être humble dans le sens que je dois reconnaître que si j'ai écrit un livre, ce qui vaut plus cher aux yeux de la population, c'est pas mon livre, mais c'est plutôt le papier de toilette que le papier de livre, parce que le papier de toilette, tu peux t'essuyer pour faire caca, tandis que le livre, c'est moins confortable, donc ça a plus de valeur. C'est ça, il faut être extrêmement pragmatique dans sa lecture. Donc, moi, ce que je dirais, vaut mieux quelqu'un qui fait un emploi normal. J'ai beaucoup plus, je trouve que c'est plus pertinent d'être inséré en société avec un emploi normal, même s'il n'est pas nécessairement à la hauteur de ses compétences, que de vouloir rayonner socialement dans un rôle d'initié et, à quelque part, de se ramasser dans une situation problématique au niveau financier, de ne pas être reconnu, etc., puis de ne pas vivre de trucs qui sont rentables. Donc, dans l'affaire de composer avec l'intelligence ou de la vibration, il faut être extrêmement vigilant. Il faut être attentif. Puis moi, où ce que j'en suis à l'âge de 43 ans, je crois pas honnêtement que quelqu'un puisse, dans le contexte présent, là, vivre décemment là, par rapport à faire des conférences sur la conscience ou faire des placements boursiers là, journaliers, là, puis devenir multimillionnaire avec ça, avec facilité. Là. Je suis très sceptique par rapport à tout ça. Je dis pas que c'est impossible, mais je suis très, très sceptique. Même chose pour quelqu'un qui fait des soins énergétiques ou des soins de santé, là. Je suis très, très sceptique là, que ça fonctionne tout le temps et que la personne est en contact avec des entités qui permettent automatiquement des guérisons immédiates. Là. Je suis très, très, très sceptique. Puis tout ça pour dire quoi? Ben, c'est le discours de l'importance de la conscience critique que je ramène ici à travers mon propos. Tout simplement, méfiez-vous. Moi, je suis de l'avis qu'il faut avoir des assises solides sur le plan physique. Et à mon avis, dans le fond, vaut mieux faire quelque chose qui permet de fonctionner en société, même si à un certain point de vue, c'est aliénant. Prenons par exemple le prof qui répète tout le temps les mêmes choses, ou la personne fait du transport par camion d'un point A à un point B, ou la personne qui fait du ménage. Mais si ça permet à la personne de vivre décemment, sur le plan pratique, c'est plus intelligent que de faire quelque chose, prêcher la bonne parole, la conscience, pour que ça ne soit pas rentable. C'est la conclusion que j'en viens aujourd'hui. Je ne dis pas que les choses vont changer avec le temps, mais c'est le constat que j'en fais. Sinon, je voulais vous ramener sur le piège fondamental de l'ego qui se réfléchit, qui va dire, les autres, ça fonctionne pas, mais moi, ça va marcher parce que je suis plus intelligent que les autres, je suis plus conscient, je suis plus initié, je suis plus ci, je suis plus ça. puis les autres se démunissent. Moi, j'ai plus intégré, moi, j'ai plus souffert. Donc, si la personne cherche à se donner une identité à travers la souffrance, le fait qu'elle fait des apprentissages sur un paquet d'années en lien avec la conscience, qu'elle est plus outillée, etc., ce que je dis, c'est que la personne, si elle se réfléchit en tant qu'ego par rapport à ça, elle peut se piéger elle-même puis faire fausse route. Puis c'est un cercle vicieux parce que, prenons par exemple la personne qui écrit un livre. Puis là, elle dit, plus que je vais écrire de livres, plus qu'à un moment donné, ça va fonctionner. C'est un petit peu comme la personne qui joue à la loterie puis aux machines à sous. Plus qu'elle met de l'argent dans la machine puis elle perd, plus qu'elle dit, ben là, je vais continuer à jouer avec la même machine parce qu'à un moment donné, il va bien falloir que je gagne puis l'argent va ressortir. C'est juste une question de temps. Mais c'est pas parce que quelqu'un, plus que la personne s'investit dans quelque chose, que cette chose-là va lui donner nécessairement un retour. C'est pas nécessairement proportionnel. Faut sortir de cet esprit-là. Puis cet esprit-là qui garde des gens naïfs, branchés, connectés à une machine à sous pendant plusieurs heures. Puis là, la personne dilapide toutes ses payes là-dedans. Puis elle dit, ben, à un moment donné, elle va m'ordonner de l'argent. J'en ai tellement donné. Il n'y a pas nécessairement d'équations mathématiques comme ça qui fonctionnent. C'est, à mon avis, la même chose par rapport à d'autres éléments dans notre vie. Puis, il ne faut pas avoir de l'espoir par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'on fait. Quelqu'un, par exemple, peut passer 40 ans à étudier la santé ou à étudier la bourse, peu importe quel sujet, puis se ramasser en situation difficile. Il n'y a pas nécessairement une corrélation linéaire. La vie est complexe. La vie peut être très pénible et difficile pour beaucoup d'êtres humains, ce qui fait que faut se protéger de la vie à un certain niveau. En ayant une intelligence pratique, puis de reconnaître sur le plan pratique avec des observations concrètes qu'est-ce qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas avec les gens. Malheureusement, les gens, il y a des gens qui ont de l'espoir, tu sais, ils vont dire « Ah ben, ouais, là, dans 10 ans, dans 20 ans, les gens vont s'intéresser à la conscience, je vais pouvoir vivre décemment, de donner des conférences, mais ce n'est pas nécessairement le cas. » Même chose pour les inventions. Récemment, quelqu'un me partageait quelque chose par rapport à un moteur à eau. Oui, ça peut être, dans le fond, quelque chose qui va s'actualiser dans les prochaines années, ou peut-être pas. Il ne faut rien prendre pour acquis. Donc, il ne faut pas avoir trop d'espoir par rapport à rien. Les nouvelles technologies qui vont permettre le respect de l'environnement, qui vont être économiques, qui vont arrêter la pollution, parce que c'est sûr que si l'eau, dans le fond, est utilisée de l'eau distillée pour mettre dans le carburant d'un moteur d'un véhicule, oui, ça va être moins polluant qu'une auto-essence en termes de gaz, de carbone, là, de monoxyde de carbone qui est relâché. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que ça va s'actualiser. Il y a beaucoup de bonnes idées qui existent, mais qui ne s'actualisent pas avec le temps. Pendant des décennies, on a entendu parler des inventions de Nikola Tesla. Puis concrètement, on ne fonctionne pas avec ça pour de la transmission d'énergie sans fil aujourd'hui. Donc, il ne faut rien prendre pour acquis. C'est ça le point que je veux faire. Puis tant que vous prenez que vous pensez qu'il va y avoir des choses qui vont s'actualiser ou vous croyez, bien, vous êtes à la merci des forces puis de la déception. Donc, c'est ce que j'ai à dire. Là. Je répéterai, là, je suis tanné de parler de ce sujet-là. Donc, je voulais faire ça parce que ça peut être utile, parce qu'il y a des gens qui vivent des processus de conscientisation, des processus d'initiation extrêmement pénibles, s'échelonnant sur plusieurs années. Mais c'est pas parce que vous souffrez pendant longtemps que les plans vous doivent quelque chose qui vont remplir votre compte et que vos activités vont lever dans le secteur qui vous passionne. C'est ça le point. Donc, sur ces considérations, je vous laisse. Au revoir.